chien. En fait de moi ce que vous voulez, mais tout ce que vous me ferez, soyez sûr, je vous le rendrai. Je vais descendre parmi vous, malaxez-vous de partout. Serez-vous prêt à m'aimer, m'encenser ou me trahir? Qui est l'esclave? Qui est le maître? L'anarchie dans tous vos êtres. Quand vous m'aimerez pour ce que je vous dis, même si je n'ai plus de respect pour autrui, vous me haïrez pour ce que je suis. Et si je vous aime, m'aimerez-vous aussi? Vous dirigez jusqu'à l'horreur pour enfin mériter quelques honneurs. Qui est l'esclave? Qui est le maître? L'anarchie dans toutes vos têtes. Qui est l'esclave? Qui est le maître? Monsieur Grenier? On y est prêt, Madame Thibodeau, faites attention. Gardez votre... Oui. Man wird zurück. Very nice. An der Versailles. Tout le monde est en arrêt. Tout le monde est en arrêt. Manalai. Anna Manai. Mana Manai. Hein? Ouais. Madame Thibodeau, êtes-vous prête? Mais je suis toujours coincée dans l'obturateur. Elle aime ça se coincer là-dedans. Ben oui, c'est l'obturateur. Oui, c'est vrai que mieux vaut être coincée dans l'obturateur. Oui. Alors dites-le donc. L'obturateur. Oui. Mieux vaut être coincée là-dedans qu'être coincée. Ah, moi, je suis coincée partout. Ah, oui, pourtant, hein? Dans les années 69, vous n'étiez pas coincée. Dans les années 70, 73 un peu plus. 80, oui. 84, mais là, on brandissait un drapeau. On voulait un pays. On voulait quelque chose. On cherchait pas, on avait trouvé. Hey, le Québec! Nous étions des Québécois. On avait abandonné le terme disgracieux de Canadien-Français. Ouais, ça me donne mal au homme. C'est pire que le lendemain. Vous savez, du lendemain, là. Ah oui, ça lui arrive souvent. Ouais, le lendemain. Le lendemain. Ah, pas le jour même. Mais non. Ah non, c'est écrit sur la petite bouteille de pilule. Qu'est-ce que c'est écrit? Ben, le lendemain. Le lendemain. Ben, la journée même, tu peux pas. OK, alors il faut. Ben oui. Ouais, mais pourquoi tu... Non, on sait pas, nous autres, là. C'est de l'improvisation. C'est comme Mérance Rénaldienne, hein. On sait... Savez-vous, vous, madame, quand vous allez vous aimer? Premièrement, je suis pas une madame. Ouais, oh, ben, en tout cas, être bizarroïde, oui. Est-ce que vous savez, vous, quand à quel moment vous allez vous aimer? Mais moi, je m'aime le mardi, oui. Je m'aime le mercredi, oui. Je m'aime le jeudi, oui. Je m'aime le vendredi, oui. Je m'aime le samedi, oui. Je m'aime pas le dimanche. Ah non? Ah non, je m'aime pas le dimanche. Pourquoi? Mais je... Comment? Je vais le dire. Allez-y. Laissez-vous la place dans votre cerveau. Ah, il y en a de la place. Non, je vais jamais à la messe. Oh! Je vais jamais à l'église. Oh! Je ne vais jamais prier. Oh non! Je ne crois pas que la prière m'aidera. Dans votre... Dans mon cheminement. Bon. Alors moi, le lendemain, je connais pas. Bon, le jour même. Ah, oh, le jour même, toujours, là, comme à cet instant précis. Oui. À cette virgule près. Oui. À cette seconde près. Oui. Ah, oh, oui! Bon, ça va mieux? Non, pas du tout. OK. Monsieur le Président, madame... Monsieur... Êtes-vous prêt, M. Grenier? On est très prêt, mais c'est pas M. Grenier. Il est pas là, M. Grenier. Ben, il a jamais été là. Non, il n'existe pas. Ben, il y a des M. Grenier sur la planète, là. Mais... Le coordinateur de cette émission... Ah, oh, mon Dieu! Celui qui perd le Nord. Il perd le Nord. Il perd le Nord, il trouve le Nord. Tchou-tchou, ah, tchou-tchou, le train du Nord, le père du Nord. Ah ouais, amis, donc, donc. Êtes-vous prêt, M. Grenier? On est prêt. C'est M. Gagné. Ah, oh, mon Dieu! Gagné dans la nature. Ouf! C'est dénaturé, ce Gagné-là. Oui. Oui, c'est comme Vercors. Oh, Vercors l'était. Non, mais son roman. Le roman. Je veux pas non plus, là, vous... Vous alarmez? Oh, je n'ai plus d'alarme. Non, alarmé vient pas d'alarme, là. Mais alarmé, ben, l'alarme. L'alarme. À l'œil? Non, la. La qui? La. Oh oui, la. La. Là, t'as-tu la carotide? Bon, je l'avais trouvé tout à l'heure, là, je l'ai enfoui. Est-ce que je suis assis dessus? J'ai-tu une sensation bizarre, moi, là? La, on n'a pas la carotide. Ben oui, on l'avait, la carotide, tout à l'heure. On passe pas à quelque chose. Là, on n'a pas... On a le sifflet, mais on n'a pas la caraquette. Il y a donc l'oreille. On va prendre une petite boîte de... Oh, ben oui, allons-y, là, c'est vrai. Et, attendez, on va prendre la petite boîte de pilule. Attendez. Oui, monsieur, on y va avec ça. OK. Là. On va retrouver tantôt, là, mais là, on y va. Là, combien il reste de pilules dedans? On va regarder. C'est pas des pilules de contraception. On se contraceptionne pas ici. C'est de la Benadryl. Je sais pas si vous connaissez la Benadryl, si vous êtes allergique à Benadryl. Là. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mon Dieu, je vais mourir! Il en reste juste 7, OK. La. Ouais, mais ça va-tu s'égrainer? Est-ce que, madame, croyez-vous que ça va s'égrainer ici? Ça s'égraine pas, voyons donc. Mon Jean-Charles, ça fait 23 ans qu'il essaye de s'égrainer, il est pas capable. Ben voyons donc, ben oui, il essaye. Ah, par devant, par derrière, par dessous. Il est incapable de s'égrainer. C'est un homme tellement solide. Ah, oh, mon Dieu, c'est un ancien bucolique, là. Ah, oh, mais puis il bucolait régulièrement. Ah, toute la semaine, il bucolait. Ah, là, il a dit arrête de bucoler, comment ça? Ben voyons donc, t'entends plus. Ben j'entends plus à rire. Bon, ben t'entends? Non, j'entends. Ben j'entends frapper, là. J'entends frapper. Je sens que tout est terminé. Je suis heureux d'apprendre que tout est presque terminé. Ouah! J'entends frapper. On jamais raviré. Je suis heureux d'apprendre que tous les bonnes nuits, j'entends. Oui, allô? J'entends frapper. OK, là, je vais le frapper. Oui, mais ça frappe fort. Oui, mais l'auditeur... Êtes-vous prêt, M. Grenier? On y est prêt, mais l'auditeur n'est pas obligé d'entendre autant de capotage sur le capot. Ben, autrement, tu capotes comment? Moi, je capote... je sais pas, je capote jamais, moi. Moi, je suis anti-capotage. Oh! Ah, moi, le garde, là. Moi, la protection, le capoting, le capoteur, le capoting, la société ne m'aura pas. Non, elle va m'achouer. Mais pas de non. Monsieur le président. J'en mets pas. Monsieur le Président. Oh! Ça sonne. Réponds. Allô, Mathieu? Oui. Monsieur, êtes-vous là, monsieur? Oui. Il n'est jamais là. Êtes-vous? Oui. Ah, monsieur, vous êtes là, monsieur? Oui. Oui. Merveilleux. Hey, ça donne mal au cabochon. Hein. Avez-vous le cabochon, monsieur? Oui. Monsieur Cabochon. Ah, c'est. Monsieur Cabochon! Oui! Hey, on l'a trouvé le cabochon. On en voit dans les rues. Hein. Ça se promène, ces cabochons-là, mais on peut pas leur parler. Mais là, on a un vrai, là. On l'a placé dans notre. C'est. Mais on avait un piège à cabochon. Un piège à cabochon. On l'a cabochiné. Ah bon. Comment on attrape ça, un cabochon, madame? Ah, mais on l'attrape pas, hein? Comment ça? Il s'amène tout seul. Ben oui, c'est un cabochon. Monsieur le cabochon! Oui! OK, eh hey, monsieur, on a quelques questions à vous poser, parce que pour une fois qu'on a un ici, là, amène le fort, allume-le, comme la centrale tabaliste. Voyons, ils font pas ça. Ben, ils font ça régulièrement, ça, avec le dictionnaire, là. Ils savent pas lire. C'est non, je veux dire l'annuaire. Ah, bon, nous. Frappe dessus, frappe, monsieur Cabochon. Oui. Bon, on a quelques questions à vous poser. C'est une profession d'être un... Oui. Bon, ça commence jeune? Oui. Les parents le sont, hein? Oui. Puis c'est de génération en génération? Oui. Ça change pas, hein? Il est-tu cabochon, il répond pas. Ça change pas, hein? Oui. Oui, ça change. Bon, avec votre futur enfant? Oui. OK. Est-ce que c'est... Là, on rentre dans la vie privée, M. Cabochon, mais ça vous dérange pas? Vous en êtes un? Oui. Bon, OK. On a un cabochon. Ça soulage. Je vais te parler avec... Avez-vous des questions, madame? Mais oui. OK, allez-y. Est-ce qu'il prend son spaghetti gratiné? Mais ça, c'est une question de cabochon. Ben, voyons donc! Monsieur Cabochon, j'ai une question, madame Tremblay. On l'a enlevé du micro, là. On est dans un état bien trop second. On est presque gêné de vous la poser, mais si on ne vous la dit pas, on risque de s'en faire entendre. Non, on risque de se faire entendre. Elle va nous en parler jusqu'à la fin de nos jours. Quoique nos jours sont comptés, madame. Oui, 34. 35, 36. Allez-vous vous rendre jusqu'à 200? Ah, ben non, on s'arrête à 103. 103 ans? Ben, peut-être moins, là. Avez-vous pris des loups bonnies? On a-tu pris des loups bonnies? Non, je ne crois pas. On n'a pas pris de. Il ne sait pas. Mais disons qu'avec lui, il n'en prend pas, lui. Il n'en prend plus parce qu'il est déjà au niveau cérébral. Là, s'il en prend, il va péter 3-4 coches, puis. Il risque de tomber dans l'escabeau, puis il est déjà pas très haut, hein. Vous avez commencé dans ce milieu-là, hein. Monsieur Cabochon! Oui! Bon, on va poser la question de Mme Chose, parce que... Non, pas... Oui. Prenez-vous votre... Je peux pas y demander ça. Une question de Cabochon. Prenez-vous votre spaghetti gratiné? Oui! Oh! Oh! Oh! Un connaisseur! Mais vous, c'est plus que gratiné, c'est brûlé, hein? Oui! Gawa de Cabochon, il va se brûler. On va lâcher. Laisse-la aller. Bon, là, ouais, donc, ça s'en va comme la gazelle de Washington. Bon, non, c'est Bretzel de Washington. Je connais ça, mes acteurs. Là. Il y a Bretzel de Washington. Il y a Bretzel, l'autre, l'ancien président des États-Unis, là, qui désunissait tous les peuples. Là. C'est pas Plimpton, c'est Peter Clinton. Non, d'accord. Monsieur le président, en tout cas, c'est un Clinton. Il n'est pas... Monsieur le Président, ouais, on va vous dire, madame, monsieur, les pas trop catholiques. Et vous, chère dame volupté et résidente impudique, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Hey, on accueille là, ce soir, cette nuit, pour la première fois. Puis là, je suis tout heureux. Je l'ai vue, j'ai pu la toucher, et même à la fin de la rencontre. Non, au début, elle a pas voulu. Non, elle a pas voulu au début parce que... Je suis quand même... Qu'est-ce que tu vas dire? Rien. Non, mais j'ai une première approche assez difficile. Hein? Je suis entre le lépreux et le prince désarmant. Oh! Et donc, plus on parle avec moi et plus on se rend compte que la poubelle est pleine. Oh! Alors, on veut t'embrasser à la fin, là, mais très timidement parce qu'on n'ose pas aller plus loin. Oh! Donc, Nina Savary, à la fin de notre errance rénaldienne, là, c'est-à-dire, 4h, 5h, 6h30 de rencontre, non, 10h12 de rencontre. Ah, elle nous a chanté ça, elle nous a dansé ça. On a eu droit à des cabarets, à des paillettes, à des, comment ça s'appelle ça, donc des confettises. Plein la tête, vous allez en avoir vous aussi pendant quelques semaines. Vous allez rêver à elle. Vous allez vouloir, mademoiselle, être elle. Vous allez chercher à avoir autant de talent. Vous allez tenter de poursuivre notre rencontre en dehors de cette émission qui s'appelle Errance Reynaldienne, car Nina Savary est sur Internet et dans les bibliothèques et sur audiovisuel et sur visuel. Plus audio ou plus visuel? Les deux. Les deux. Toutes les belles sont sur les deux. Oh! Monsieur, bienvenue, madame. Qu'est-ce que t'as? J'ai le lama coincé. Ah, mon, lâche-moi le lama. OK, mais on l'a même pas encore pris. Il veut pas, il sauve. Hein? C'est un lama sauvage. Ah, mon. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai vérifié si tout était fonctionnel. Oui, la caméra est très bien. Le premier magnéto est sublimement synchronisé. Et le premier magnéto, il est en dehors de nos espérances. Il ne reste que l'animateur. Oh, mon, l'animateur est... Non, on le cherche pas parce qu'on le trouve pas. Oui, hein, mais on le trouve pas, hein, monsieur. Êtes-vous prêt, monsieur Grenier? On est prêt. Advienne que mourra. Oh, mon, elle meurt pas. Mais là, elle est en train de compter. 47! 40, as-tu pris supplémentaire? Non, je le sais, mon dos. On peut-tu voir nos billets? On n'a pas de billets, madame. 49. Elle compte, elle. Elle sait juste compter. 47. 49, 47, c'est bon, là. Pensez en autre. 49, 47. Complémentaire. Oh, l'as-tu? Zéro. Oh, mon dos, zéro. C'est pas beau, ça. Ça nous amène absolument rien. Votre signe, votre signe. Votre signe. Cligner de l'œil. OK, je pensais que c'était un signe astrologique. Ah, oh, l'astrologie, c'est un canard boiteux. Hein? On va appeler. Est-ce qu'il y a des astrologues qu'on peut... Ben là, il est quand même minuit 23. Puis les astrologues, ça dort pas, ça. Ça vit dans les astres, puis ça regarde les nuages, puis ça calcule l'étoile molaire, puis ça veut chercher la méridienne à travers l'horizontalité de l'existence sans pouvoir autant monter dans l'arc-en-ciel de l'intelligence. Parce que c'est rien de scientifique, c'est le pauvre monde qui tombe là-dedans, le pauvre monde. Il dit, ah, Saturne est dans Capricorne, faut pas jouer, il faut pas bouger. Surtout, faut pas acheter une maison, faut pas changer de travail, faut pas demander une augmentation de salaire, il voudra pas. Mais non, pas avec ça, toi, il voudra pas, il voudra pas. Si tu veux pas, il voudra pas. Hey, négatif! Savais-tu que ça attire le négatif? Moi, je suis moins négatif. Ben, c'est être moins négatif, c'est quand même exceptionnel, là. Hein? T'es moins, puis t'es négatif. On veut pas t'avoir comme ami, toi, là. Tu peux me plaire de même... Will, attends un peu, je vais le dire, là. J'ai de la misère à partir en deuxième. Will, William l'énergie. Oh, mon dieu, l'énergie. Hey, un méchant, ça. Un méchant gentil. Oh, il y en a des méchants gentils. Ah, mais quand Thierry, là, ça veut dire tout le contraire. Là. Vous êtes à télématin. On vous aime.

j'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai peur de tout. Du tout. Du tout, du tout, du tout. J'ai peur du tout, de rien. Du tout, du tout, du tout, du tout, madame. Du tout, du tout. Monsieur, monsieur, du tout. Oui, mais c'est moi, monsieur, du tout. Monsieur, du tout, ça va très bien. Monsieur, du tout. Oui, c'est moi. Aujourd'hui, le vendredi 11 novembre 2011, 11, 24 ans, monsieur. 48 ans, pas de glace. Oh! Ah, 48 ans, pas de glace, c'est beaucoup, ça? C'est le pur et l'impur. Oh! Ça, pendant notre existence, les gens qui ont un minimum de réflexion, j'ai dit un minimum. Ça, c'est un minimum de personnes. Quand le minimum amène le minimum, le maximum amène le maximum. Example. Silent Diane. Oh! Maximum. Oh! Amène un maximum. Oh! De minimum d'intelligence. For example. Oui. Reynald Gagné. Oh non! Oui. Un minimum, un très minimum, un très minimum, très mini, mini, mini, mini, très mini, dans tout, le mini, mini, mini, mini. On cherche, hein, on, dans la forêt, on écarte les feuillages, on écarte tout. C'est tout mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, intelligence. Mais gros auditoire, et monsieur, auditoire, j'ai dit auditoire, d'accord. Alors, laissons, j'ai eu peur, là, auditoire, non, c'est auditoire, ok, merci. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, supposons que l'auditoire, supposons que l'auditoire est heureux. Supposons que l'auditoire appelle des amis pour leur dire, hey, écoute-moi, ça fait reste une heure et demie, écoute ça, c'est capoté. C'est bizarre, oui, c'est étrange, c'est venu d'ailleurs. C'est un extraterrestre. Écoute, c'est un extraterrestre. C'est possible. Il est assez cohérent. Alors, hey, lâche-moi là. Ouais, arrête donc. Arrête de me dire lâche, je te prends. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Ma bouche a comme débarré à 343 degrés vers le haut, puis vers 33 vers le bas, puis ça veut pas communiquer ensemble. C'est normal, c'est la bouche. C'est la bouche close. Oh! Est-ce qu'elle peut s'ouvrir? Oui, elle s'ouvre à toutes aventures. Oh! Oublions les abarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, je me sens comme Mireille Mathieu. Non. Unissons-nous autour de l'artiste multidisciplinaire Nina Savary. Nina Savary, chanteuse et comédienne, débute à la Scala de Milan à 5 ans et n'a pas quitté la scène depuis. Enfant du Magic Circus, elle suit les tournées de pays en pays, étudie le piano et le chant au conservatoire, fait des écoles de littérature américaine, se forme à la comédie et à la danse, rencontre des artistes comme Jacques Higelin, Alfredo Arias, Georges Lavelli, Jean-Baptiste Terré et Victoria Chaplin. Elle joue dans... Parce qu'il y a comme un feu follet qui est passé en haut du ciel. Et je voulais pas le manquer. Il paraît que c'est 3 ans de chance pour l'émission. Ah, oh, mon Dieu. C'est pas de chance, c'est pas de chance, je l'ai pas vue. Ah, ça peut se terminer en tout temps. Elle joue dans de nombreux spectacles de Jérôme Savary. Jeune première dans Mistinguette auprès de la grande Liliane. Oh, madame Liliane, excuse-moi, ma belle Liliane. Je vais massacrer. Liliane Monenchvich. Ajoute-toi une deuxième chance. Oui, tu es l'idiot. Oh mon Dieu. Liliane Montevecchi. Oh oui, je l'ai. Liliane Montevecchi. Elle reprend après Clotilde Courau dans le rôle titre de la comédie musicale Irma la Douce, jouée par Shirley MacLaine hein, au cinéma. Puis interprète le rôle de Zazou dans le spectacle Zazou chronique de la France sous l'occupation et crée avec lui la vie d'artiste duo sur le thème de la transmission dans lequel elle incarne l'ensemble des personnages, tous les personnages du récit, c'est-à-dire Billie Holiday, Carmen Miranda, une danseuse sur pointe et David Bowie. Et le spectacle Boris Vian, une trompinette au paradis actuellement en tournée pendant plusieurs années. C'est des spectacles quand même qui se chevauchent. À la voix puissante et grave, Errance Reynaldienne la rencontra en juillet 2011. Voilà un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter? Oui! Alors, comment? J'ai dit. Parce que c'était tricoté à l'envers. OK, enlève la tricote à l'endroit. OK. Je recommence. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous enchanter? Oui! Alors, place à l'émotion. Place aux mots, place au lyrisme reynaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant la zizik. Pour moi, l'un c'est thorax blow. Bon, on est prêts. Nous sommes prêts. Puis si j'oublie, j'ai 10 questions à te poser à la fin. Hier, je me suis trompé. Vous avez fait votre choix. Oui. Ça oui. Y est. Oui. Dites-moi. Moi, je voudrais un jus d'ananas, s'il vous plaît. D'accord. Jus de pamplemousse, s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci. Et donc, c'est un spectacle qui a joué dans 4 langues différentes. Italien, okay. Espagnol, anglais, français. Et toi, c'est uniquement français? Non, moi, je fais la mise en scène, là. OK, OK. Alors, t'es... Assistante, mise en scène. Je suis l'assistante d'Alexandro Jodorowsky, quoi. OK. Mais toi, t'as commencé... bonjour, Nina. Bonjour, Rénal. Bienvenue à mon émission Errance Rénaldienne. Tout est prêt, tout est enfin prêt. Génial. Toi, t'as commencé à 5 ans. J'ai commencé toute petite, ouais, parce que mes parents avaient une troupe qui s'appelle le Grand Magic Circus, qui tournait dans le monde entier, qui a commencé dans les années 60 avec le mouvement du théâtre panique... Justement, Jodorowsky, Rabal, Copy, tout ça. Bon. Mon père était très proche de ce mouvement latino-américain qui a un peu bousculé le théâtre conventionnel à cette époque. Et donc, le Grand Magic Circus, c'était une troupe qui a commencé dans la rue, par le théâtre de rue, avec un mélange de musiciens, d'artistes de cirque, de comédiens. Enfin, c'était un joyeux bordel organisé, mais avec une énergie vraiment de cette époque formidable, quoi. Et donc, moi, j'ai suivi leur tournée. Enfant, on voyageait avec eux dans une caravane en France et dans le monde entier, beaucoup en Allemagne, en Angleterre, aussi un peu parfois aux États-Unis. Festival de Toronto, je crois, ils ont ah, fait. Oui. Enfin, ça, j'étais pas née. Encore. OK, oh, d'accord. C'était dans le ventre ou pas encore destiné à. Non, moi, je suis née en 78, oui. Donc à l'époque où, disons, la troupe commençait à un peu marcher. Et ils ont commencé à avoir un peu plus de moyens pour faire leur spectacle et à jouer dans des chapiteaux, des salles, etc. Donc déjà, la rue était un peu moins... c'était moins leur activité principale, disons. Mais du coup, oui, je les ai suivis beaucoup et j'ai commencé toute petite parce que j'étais là, quoi. Donc je faisais des petits rôles, des apparitions. Le premier spectacle où j'ai joué officiellement, c'est l'histoire du soldat de Stravinsky à la Scala de Milan. Et mon père avait fait rajouter un personnage dans la pièce qui s'appelait Ninetta pour pouvoir me mettre dans le programme de la Scala. Parce que et c'est comme 5 c'est... J'avais 5 ans, ouais. Ouais. Comme c'est un opéra très prestigieux, il a dit la biographie c'est très important, donc ma fille aura débuté à la Scala à 5 ans, c'est bien. Mais donc tu j'ai voyais, gardé le programme. Avant l'âge de 5 ans, tu voyais ce qui se passait, tu voyais ton père et ta mère qui gravitaient autour de... Bah forcément, c'est-à-dire que j'étais tout le temps avec eux, donc je suivais les répétitions, j'étais sur le plateau. Comme tous les enfants, on naturellement, on est dans l'imitation des parents, alors on essaye de faire la même chose. Et puis c'était une troupe assez provocante, où il y avait des numéros un peu trash, des striptease, enfin bon... Et donc moi j'étais dans cet univers-là et un peu décalée forcément par rapport aux enfants de mon âge parce que c'était la vie de saltimbanque, quoi. Voilà. Après, bon, j'ai quand même suivi des études, donc... En art dramatique au conservatoire, si j'ai... ouais, enfin j'ai passé mon bac, j'ai fait des études de littérature américaine à la fac et puis... Tu joues du piano? Je joue du piano, j'ai fait le conservatoire de musique classique. Parce que mes parents ont beaucoup insisté pour que j'ai un bagage quand même. Merci. Merci. Parce qu'enfant de la balle, c'est bien, mais il faut aussi maintenant... les temps ont changé, on n'est plus dans les années 70, donc il faut avoir un bagage sérieux pour s'en sortir dans ce métier. Olé, olé, olé voyous, olé amoureux de la chanson, olé, écoute. Elle s'en aura qu'elle débarras, car avant de fait savoir. Tu ne trompais pas déferlé sur la mer boire de vos dégâts. Tonnerre de Dieu, c'est Dionysos. Tonnerre de Dieu, toi Dionysos. Béni ma chère, béni mes os. Chante nos joies et nos folies. Aïe, sous le soleil, exactement. Non, il est sous. Bien en, bien en, bien en dessous. Sous le soleil, exactement. Bien en dessous, sous le soleil, exactement. Bien en dessous, sous le soleil, exactement. Brûle mon cœur et mes soucis. Il sera toujours midi. Sous le soleil de Boliga. Sous de bagues plus beau des gars. Et ta genou passe. J'entends hurler le Mélino, sans picador ni corrida, lorsque ton gars la sangria. Se combat le capitaine Traca. La la la la la. Aïe, bodega, bodega, chante nos joies et nos folies. Aïe, bodega, bodega, tu es l'étoile de nos nuits. Brûle mon cœur et mes soucis. Il sera toujours midi sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. À la Bodega. À la Bodega. À la Bodega. Comme chez moi. l'intérieur de toi. Un poster de toi. Hein? Hein? Oh, il a ici maintenant, excusez-moi, un poster de toi. Une affiche de toi. Affiche-toi, mon ami. Là, ici, on s'affiche. On s'affiche. Hein? Avez-vous débuté la fin? Oh non, on n'a pas encore débuté la fin. On n'a même pas débuté le milieu. C'est, monsieur, non, on peut pas. Oh non, pas maintenant. Si l'occasion se présente, on va débuter la fin, là. Mais là, on a débuté le début. C'est quand même... Non, c'est pas le début, c'est le but dans le début. Bon. Êtes-vous contente? C'est le début du début. C'est pas le milieu du milieu, là. C'est le début du début. Après ça, c'est milieu, puis c'est le début de la fin. Oh, et puis après, ben après, c'est la fin. Et puis, le silence, le noir complet. Oh, comme la fermeture de la vie. Oui, c'est vrai. Faut pas dire le contraire, monsieur. Ben oui, on peut dire le contraire, parce que selon Crémusus, oui. Oh, Crémusus, oui. Verset 43, section 12, siège 18. Il est l'heureux gagnant d'un tout. Ben, quel est le tout? Ben, c'est un tout. Oui. Tout. Un tout. Tout. OK. Et dans le tout? Non, c'est... Oui, ben là, c'est un tout. Tout, OK. Tout quoi? Tout. Tout. Bon, OK, on arrête ici, là. Je crois qu'il y a comme un petit problème technique. Non. Un tout. Tout. Ah, un toutou. Un toutou. OK, il y a un toutou. Un toutou. Ah, un petit toutou. Un petit blanc, un gros toutou. Un gros toutou. Oh. Comment il va faire pour l'amener, ce gros toutou-là? Ben, on va le dégonfler. Mais non, c'est un toutou. C'est pas une poupée gonflable. Oh. Non, je la donne pas, ma poupée gonflable. Moi, je la garde. Elle est tellement belle. Oh, je l'ai choisie selon mes préférences. Oh, alors, quelles sont vos préférences? Oh, ben, ça me stimule un peu le gorlot de vous en parler. OK, alors, on y va ici avec l'atelier d'improvisation. Non, je peux vous le parler. Non. Dites pas vos gorlodies à la radio. OK. Là, quoi, elle est... Je voulais souvent, même l'animatrice, il y a quelques années, voulait plus que j'en parle de ma poupée gonflable. Parce que lorsque je l'avais mentionné au début de ma chronique, aux quatre coins des mots et des idées, que c'était à l'hélium et que pendant toute la chronique, je la voyais passer et... commençais à trouver ça un peu angoissant. Parce qu'elle la voyait pas passer, elle. Ah! Je la vois passer. Je savais qu'elle se gonflait. Je savais qu'elle pouvait monter plus haut. Vers le firme. Et non, le firmament. Oh! Je la vois se gonflé, je savais que je ne pouvais, je savais qu'elle ne me lâcherait jamais. Hey! T'es parti là-haut, reviens en bas, nous sommes ici, nous les terriens, poupée gonflable, hein, poupée gonflable. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami. C'était un beau moment de poupée gonflable, oui. Maintenant, la place Charles Bukowski. Ouvrons-lui le coin du bar, là. Voici le bar, là, parce qu'il faut lui faire un coin. Mais le coin, là, c'est sa niche. Ah, oh, mon Dieu, il niche là. Jusqu'à la vie, Pepperman. Non, c'est pas la vie, Pepperman. Attention, madame, là. C'est une vitam Pepperman. Oh, c'est la menthe douce? Non, c'est la menthe forte. La menthe polaire, la menthe qui te pogne dans la gorge, qui te prend la gorge, là, qui te la tord, là. Elle te malaxe. C'est comme le mal de ventre. Vas-y. Ben, c'est le mal de ventre. Ça fait mal. La gorge, ça fait mal. Puis tout ça fait mal. Mais je sais le mot tord. Est-ce que c'est torvé? Torve. Ah, mon Dieu. Ah, OK. Ah, non, mais parce que en même temps, je peux pas. J'ai pas d'ordinateur pour vérifier torve. J'ai pas aussi de collaboratrice ou de recherchiste. Peux-tu rechercher? Ah, ben, j'ai déjà de la difficulté à trouver mes lunettes. Ben, c'est ça, là. Tu peux pas. Non, je peux pas. Y a-t-il une garde à vue? Ben, moi, je vois pas, là. Ben, OK. Ben, si vous voyez pas, y a pas de garde. Ben, à vue des reins, y en a pas à vue des reins. C'est à tâtons. Attends. Avant de tâtonner, il faut quand même superviser le regard. Oui. Il faut s'imaginer que... Oui. Il faut comme voir une certaine silhouette. Silhouettes anonymes, up to date, old fashion, silhouette passagère, jamais je ne verrai qui elle était. Oui, mais... Alors là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. OK. Alors, là, il faut rentrer. Bien, il faut, hein, oui. On rentre. OK. Frappons. Peux-tu mettre un peu de... On va mettre. Oui. Oh, c'est l'oncle Buck. Oncle Buck? Oui. Oh. Pouvons-nous entrer? Non. Pouvons-nous pénétrer? Oui. OK, on pénètre. On cherche... On peut-tu avoir votre première phrase? Tâtonner. On tâtonne. Tâtonner. Oui, on tâtonne. Oui, monsieur. Vous êtes monsieur? Bukowski. Oh. Ça va bien? Ça va très bien. Mais avez-vous amené ce que vous avez demandé dans un sac en papier brun? Ben, il y a quelque chose de brun, là, mais c'est pas du papier. Ben, c'est du papier brun. Oui, mais je vous le conseille pas. On n'a pas eu le temps de mettre ça oser le prendre, monsieur. OK. Oh, ça, oui. C'est comme du... c'est du fromage fort. Très fort. C'est du papier. C'est brun. Hein? Très brun. Ouais. C'est fort et très brun. C'est fort et très brun. Ben alors, bon appétit à tous. C'est quoi? C'est du moelle? Non, c'est du joual. Oh, mais... Du joual québécois? Oui, monsieur, le meilleur joual qu'il peut pas avoir au Québec. Ah, on va vous en dire quelques-uns, joual. Verriez-vous ça, vous? La semaine prochaine, on va chercher tout des joals. On va joaler, joal noir, OK? Bien sûr, hein? OK, on a la France, on commence la France, hein? Joual, il y en a du joual. Joual, c'est comme cheval, on parle cheval, joual, choual, oual, oual, choual. Le joual québécois. Exemple. Non, ça, c'est une expression, c'est pas du joual, là, c'est vrai. Tire-toi une bûche. Ah, ben là, j'ai pas mon fusil. Non, tire-toi une bûche. Ben là, comment je peux le faire? Tire-toi une bûche. Ben, quel bio? Non, tire-toi une bûche. Ben, lâche-moi le tirer la bûche. Non. Tire-toi une bûche, là, ça veut dire prends-toi une chaise, puis assieds-toi, là. Viens, on va discuter, on va parler du Québec, là. C'est tellement plaisant. Alors, le titre, on dit le titre ou la première phrase? La première phrase avant, monsieur, là. Trompez-vous. Ah, en plus, c'est une nouvelle feuille. Je la sens, elle est douce. Elle est belle. Elle est liche. Alors, je la lige. Il préférait les derniers jours de l'été à l'automne. Mais peut-être était-ce déjà l'automne? Il ne savait plus. Il était comme confluse. Conflux d'enflamme. Oui. Conflux d'enflamme le flamme. Oui. Flie le flou. Non, j'ai un feu sur la langue. Alors, je vais reprendre, monsieur. Il ne savait plus si c'était l'automne ou l'été ou le printemps. T'sais, il était un peu confus. Oui. Dans la confusion, il faut se taire. Pourquoi? Parce qu'il pourrait s'agir d'une grave maladie. Oui. Et cette maladie, je ne veux pas la nommer. OK. Parce que la nommer serait lui mettre une notoriété que je ne veux pas. Oui, mais s'il y a des gens... Non, il n'y en a pas de gens. OK. Il n'y en a pas de Pierre. Oui. Il n'y en a pas de Luc, non. Non. OK, merci, monsieur. Oui. Bon, mais... Alors, c'est ça, il y avait une confusion la plus totale et je vais vous expliquer pourquoi. Oh, est-ce qu'on doit couper? Ben, on vient de commencer. Oh, c'est vrai. On vient de... Oui. Oui. Alors, donc, la confusion vient du fait que les temps, là, ça passe, là. Exemple. Nous sommes vendredi. Là, sans le savoir, là, tu te retrouves samedi. Là, tu t'en souviens plus qu'on était vendredi la veille, là. Puis après ça, c'est dimanche. Tu savais-tu que c'était samedi, là? Puis là, c'est lundi. Là, tu te demandes, est-ce que c'est samedi ou dimanche? Mardi arrive. Là, tu vois, il me semble que c'est samedi. Mercredi arrive. Mais hey, c'est mardi. Mais non, jeudi. Tu reçois une paye. Tu dis, je suis payé, c'est jeudi, c'est la paye. Demain, c'est les vacances. Ben, les congés. Puis là, vendredi arrive. Hey, c'est vendredi. C'est la seule journée où les gens sont conscients de la journée même. Le vendredi, on s'en souvient du vendredi. Parce qu'on se dit, hey, tout le reste du temps, je vais être inconscient. Je vais pas vivre, là. C'est comme si je montais dans un nuage, je marchais de nuage en nuage, être vers d'autres sondages. Ah, oh, on n'a pas des sondages. Ah, oh, des sondages. Quand on a des sondages, oh, on nous dérange. Exemple. Moi, j'ai travaillé dans un abri de sondage. Non, c'est pas un abri de sondage, c'est un état de sondage. On sondait tout. Tout autour, on osait sonder. Ah, bon, et puis, on appelait. Bonjour, monsieur. Ouais. Oh, mais on l'a dérangé. Monsieur, vous étiez en plein repas? Ouais. Oh. Est-ce qu'on peut vous poser quelques... non, chez moi. Non, mais là, chez moi, continuez, j'aime ça. Non, mais je veux dire, j'aime ça de me faire activer le cervelet. Moi, là, c'est rare que ça fonctionne ici. Là. On me pose des questions des plus... À quel endroit je peux aller sur le boulevard de la Canardière? Premièrement, c'est pas un boulevard, là. C'est la rue de la Canardière. Comment on peut faire? Ben là, si vous continuez sa 3e avenue, 3e lumière, vous bifurquez. Il y a une fourche, là. Fourche, là, pour un Québécois, ça veut rien dire. Mais mon pantalon va bien, il y a pas un trou dans la fourche. Non, non, non, une fourche. Un écartillement de la route. Oh, mon, comme ma belle Rita. Non, un écartillement de la route. Oui, comme Rita. Lâche-moi la Rita, c'est l'écartillement. Rita! Oui, il y a un écartillement. Ben oui. Alors, c'est quoi? Ben, c'est de la Canardière. OK, alors, vous prenez de la Canardière. 3e lumière de la Canardière. Vous continuez sur la Canardière. Ça change pour le boulevard Sainte-Anne. Ça, c'est Sainte-Anne-de-Marie, Sainte-Anne-de-Dieu, Sainte... Non, boulevard Sainte-Anne. Ah, oh, Sainte-Anne, c'est un boulevard. Priez pour elle. Non, non. Ben, c'est un nom qu'on a donné au boulevard. On aurait pu l'appeler le boulevard de l'errance rénaldienne. Mais l'émission n'existait pas à l'époque. Puis il n'y aura pas de boulevard errance rénaldienne. Il n'y aura pas de rue d'errance rénaldienne. Il n'y aura rien d'errance rénaldienne. Il n'y aura même pas de rue Gagné ou Rénal Gagné. Il n'y aura rien. Sauf 2500 vidéos sur YouTube. 3000 peut-être. Et peut-être des années d'émissions de radios, audios et vidéos. Mais sinon, là, il n'y aura pas... Géographiquement parlant, ça n'existe pas. Cybernétiquement parlant, nous sommes là. Mais là, c'est pas ça que je voulais vous dire, madame. Là. Vous prenez de la Canardière, ça change pour le boulevard Sainte-Anne. Et sur le boulevard Sainte-Anne, vous allez avoir des hôtels et des motels. Oh, mais beaucoup de motels. Oh, et des motels pas très chers. Oh, pas très cher. Pas très cher. Ça veut dire? Ben, ça veut dire pas très cher. Pas très cher dans le sens de... De pas beaucoup de dollars, vous sortirez de votre porte-monnaie. Heureuse vous serez. Morpion vous attraperez. Et grognon vous aurez au retour à la maison, puisqu'il s'imaginera que vous avez eu quelques petits gigolos ou gigolotes. Êtes-vous, vous êtes, oh mon Dieu, nous sommes. Bon. Alors, monsieur. OK, monsieur, on vous dérange dans votre, on fait un sondage. OK, un sondage très sérieux. Vous êtes membre de CKRL? Oui. Premier appel, le monsieur est membre de CKRL, on vous a pas pris sur une liste de CKRL, là. Ouais. Oui, on vous a, ok, la liste, laquelle, vous êtes la liste de... Ouais. Oh, bravo, monsieur. Vous aimez cette radio-là tellement, d'une manière intrinsèque, que vous la prenez comme un drapeau, là, comme une fierté, vous la brandissez sur votre voiture, c'est vrai? Ouais. Oh, c'est... Mais on vous remercie infiniment. CKRL, c'est une radio communautaire, mais la plus vieille radio francophone au monde. J'espère que les gens, là, dans leur mental, dans leur perception imaginaire, voient toute cette grandiose effervescence. C'est comme des confettis. Non, c'est des feux d'amarnifice. Mais des feux d'amarnifice. Et voyez-vous les feux d'amarnifice, monsieur? Ouais. Bon, dis-tu ma narmifice? Ouais. C'est Manarme et fils ou Manarme et fils? C'est fille, hein, et fille? Ouais. OK, vous aimez... Ben oui, OK. Alors, non, on n'entrera pas là-dedans, hein, monsieur? Ouais. Oui, on va rentrer là-dedans, on rentre là-dedans. Alors, est-ce que c'est des feux d'artifice ou des... Comment t'appelles ça? Des poirnominon, non? Des feux de Bengale. Les feux de Bengale, c'est pas très beau, hein? Ouais. C'est beau, ouais. Vous êtes membre de CKRL? Ouais. C'est beau, des feux de Bengale, monsieur, hein? Ouais. C'est plus beau que des feux d'artifice. Ouais. Merveilleux. Il y a un connaisseur. Errance Renaldienne, là, pff. Ça pourrait être mieux, hein? Ouais. C'est pas très bon, hein? Ouais. Même d'un à 10, c'est peut-être moins 8, hein? Ouais. On devrait l'enlever, cette émission-là de CKRL, hein? Ouais. Bon. Ça fait pas rire. Ouais. Oui, quoi? Ça fait rire? Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Là, vous êtes en train de gérer, puis vous avez pris comme conscience que c'est la meilleure émission de CKRL. Ça devrait être la meilleure émission de CKRL. Monsieur? Monsieur? On a... Monsieur? Il y a... Allô? C'est quoi? Errance Red... Ah... On... C'est... Qu'est-ce... It's a little thing, but it will bring us joy. Est-ce que c'est lourd de se retrouver avec le même nom que son père, comme un peu Arthur Higelin et Jacques Higelin? Bah, c'est-à-dire, c'est comme tout, hein, y a des avantages et des inconvénients. Alors, évidemment, mais bon, nous, on n'a pas trop réfléchi à ça, parce qu'on est vraiment... moi, je me considère comme une famille de cirque, un peu. C'est-à-dire qu'il y a une tradition dans notre famille, et j'ai choisi de, à un moment donné, suivre un peu cette tradition. J'ai intégré la troupe, donc voilà, j'ai décidé de l'assumer. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ton père, à l'origine, rapidement, pour qu'on puisse... Bah, mon père, son père était lui-même artiste, écrivain. Son père s'appelait comment? Jean-Jérôme... non, Jean... Savary. Okay. Et donc, bah, ses parents sont partis en Amérique latine pendant la guerre. Ils ont fondé une communauté à la Giono, Buenos Aires, okay. Dans un campo argentin. Donc, il est né là-bas. Et puis, ensuite, à la fin de la guerre, sa mère est rentrée en France. Et bon, il est parti très jeune de chez ses parents. Il a été aux États-Unis. Il Pourquoi a été, c'est parce que... C'est... Bah, il voulait être artiste, okay. Et donc il s'ennuyait chez sa mère. Il se fiait sur son grand-père et il voyait son... Non, mais il se fiait sur son père plutôt. Puis... Ouais, un petit peu. Et puis je crois qu'il était très... c'était un ado plein d'énergie. Ouais. Il faisait plein de choses et il se cherchait. Il était un peu rebelle. Ouais. Bon, c'est le plus jeune de 4 frères. Et donc dès qu'il a pu, à 13 ans, il est venu à Paris faire des études... de musique, de danse, de théâtre, et puis après un il est parti, il a eu une bourse, il est parti à New York, mais un peu comme aussi, moi, ouais. La danse. Ouais, voilà. Okay. Et puis il a fait les arts décoratifs après à Paris, et bon très vite il a commencé à faire du théâtre de rue, justement dans ce fameux mouvement Panique, et puis après avec sa propre troupe, le Panique Circus, qui est devenu le Magic Circus. Voilà, puis bon, maintenant mon père, hein, il a 70 ans presque, 69. Vous avez rendu hommage à Vian il y a un an et demi, 2 ans. Voilà, c'est un spectacle qu'on tourne encore d'ailleurs. On va jouer en Belgique, à Bruxelles l'année prochaine. Je vous entends tout sur France Inter au Fou du Roi. Ah, d'accord. Oui, c'était merveilleux, c'était très émotif. La voix de ton père, est une voix plein de passé, on sent l'homme écorché, l'homme qui a vécu, l'homme qui l'est aujourd'hui. Sûr, ouais. C'est un personnage, ton père. Bah, si tu veux, aujourd'hui, mon père, voilà, il a fait une carrière extraordinaire. Il a dirigé les plus grands théâtres à Paris, Chaillot pendant 12 ans, l'Opéra Comique pendant 8 ans. Et là, maintenant, bon, il a été mis à la retraite à 65 ans. Il a été mis... Pourquoi il a été mis à la retraite? Parce que, si tu veux, comme le théâtre est public en France, ben, y a pas les théâtres subventionnés sont subventionnés par l'État. Et donc, c'est comme les fonctionnaires, on est sujet à la retraite à 65 ans. Alors, le théâtre privé, ça fonctionne un peu différemment. Donc, si tu veux, il est revenu un peu au théâtre privé, qu'il avait déjà côtoyé dans les années 80 avec Mogador, quand il a fait Cabaret, quand il a fait Cyrano de Bergerac avec Weber, tout ça. Il est retourné à des productions un peu dans le théâtre privé, et puis surtout à sa troupe aussi, parce qu'il a donc une compagnie. Et on est basé dans un ancien monastère dans le sud de la France, où on a une résidence et où on a stocké tous nos décors encore et nos costumes. Ouais, encore aujourd'hui. Et donc on est revenu à des formes un peu plus petites que quand il avait des grands théâtres, beaucoup plus simples et plus proches de la troupe finalement. Disco to disco, disco to disco, disco to disco, disco to disco, disco to disco, from disco to disco, from disco to disco, from disco to disco, from everybody, from everybody, from everybody, from everybody, from everybody, from everybody, from everybody, from everybody, from disco to disco, disco to disco, disco to disco, disco to disco, disco to disco, from disco to disco, from disco to disco. Wow. Claude Barbotte, vous venez d'entendre une chanson barbotine qui... Non, mais le titre de Charles Bukowski tout à l'heure, là. Parce que vous vous souvenez que vous êtes allé rentrer dans la Dienne. C'est hallucinant, ce chanson-là. Ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. J'ai les cheveux qui me dressent sur la capuche. Ah, j'ai le pompon qui... Regarde-moi le pompon. Regarde-moi, madame, regardez-moi le pompon. Non, je vois pas. Regardez-moi. Non! Regardez-moi le... Ah! Regardez-moi le pompon. Non! Mon Dieu, c'est rendu obscène un pompon. C'est très obscène, votre pompon, monsieur Grenier. Pas Grenier. Grenier. Gagné, gagné. Alors, le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est 1 $ et 20 cents. Oh. 1 $ et 20 cents. 20 cents. OK, 20 cents. C'est comme le village de 20 cents. Oh, 20 cents. 20 cents. J'ai 20 cents à donner à tout le monde entier. J'ai 20 cents à reprendre à tous les galérons. Ça a tombé dans les eaux de 20 cents. Et ce 20 cents, je l'ai perdu. Et mon amoureux. Cette semaine, et ce jusqu'à épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Je me rends compte que si je me baisse, c'est autrement. Et si je me monte, c'est autrement. Alors, si je me mets le micro, les lamentations du micro. On veut l'entendre. Oui, on va l'entendre. Écoutez bien. Ah, c'est juste une fois. Il n'y a plus de lamentations. C'est pas comme mon... Non, non. Allô? Ça va bien, madame? Oh, OK, allez-y. Lamentez-vous. Lamentation. OK. Ah, là, assez lamenté pour... trois lamentations et demie. Trois lamentations et demie. In vitam paperman. In vitam paperman. Embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, passons en garde à vue le mot ou le verbe. C'est le vent. Il y a du vent. Visage! Le mot, c'est visage. Les gens n'ont rien compris. Ben oui. C'est un château symbolique de la francophonie. On utilise un mot. On va faire une improvisation. Puis à partir de cette improvisation-là, on va choisir si on le place dans le château symbolique de la francophonie. C'est simple? C'est très simple. Plus simple que ça, je comprends tout. Bon, et vous aimez ça quand? Bravo! Vous êtes magnifique! Merci, monsieur. Madame, mademoiselle, madame. Madame! Bravo! Vous êtes magnifique! Vous aussi, madame. Alors, le mot, c'est visage. C'est étrange de voir dans notre société. Et il va partir, on le sent. Ben oui, on va partir comme d'habitude. On va se rendre jusqu'à la fin, puis on va tourner les pages, puis on n'oubliera pas ce qui s'est passé avant. Bon, quoi que vaut mieux l'oublier. Parce qu'il y a des visages à multiples facettes. Oh! Un comédien, je peux comprendre. Oui. Un chanteur, je peux un peu moins comprendre. Quoique, il prend des personnages, lui aussi, une chanson, c'est un personnage. Là, tu parles des chanteurs qui sont d'une classe à part. Je peux vous en nommer quelques-uns vivants, là, quelques-unes vivantes. Il y a Juliette Barbeau. Oh! Il y a Simon Mamman. Oh! Il y a Nina Savary. Nina Savary qui vient de sortir un album, et vous l'entendrez. Est-ce qu'on a... oui, sans doute. Oui, on a une chanson de Nina Savary. Je pense que c'est à la fin. Non, je crois, je pense pas. Moi, je fais pas partie des 350 penseurs. Je ne fais que réfléchir. C'est-à-dire que les penseurs, qu'est-ce qu'ils font, les penseurs? Ils amènent des nouvelles idées, des nouvelles structures intellectuelles, des nouvelles consonances qui nous feront évoluer, j'espère, eux aussi l'espèrent. Hein, Georges? Moi, je suis en bataille avec tout ce qui m'entoure. Alors, on va t'appeler Georges Bataille. Oui, je me bataille. Tu te batailles? Je me bataille. Alors, Georges Bataille? Je bataille. Oui, OK. Alors, Georges, toi, t'es un penseur. Ah, oh, je pense. Et donc, j'y suis. J'y suis quoi? J'y suis de Toulouse. J'y suis de Toulouse. Comme, c'est quoi le mot? Donc, c'est quoi le mot? Le mot, c'est ça. C'est visage. OK, oui, visage. Il y a des beaux visages dans notre société. Il y a des visages vrais. Il y a des visages faux. Les visages faux peuvent être vus dans deux catégories. Oh. Première catégorie, visage refait. Oh. Par la technologie. Par. Malheureusement. Quelque chose que l'on appelle. La chirurgie. Qui? Chirurgie. Oh, je la connais pas, elle. C'est une nouvelle, je l'ai rencontrée hier, puis j'étais dans une petite soirée intime. Là. Il y avait, comme chanteuse, la fille tout attachée. Vous savez, je l'ai fait connaître l'année dernière. Là. Mais je ne connais pas. Anne-Sophie Charon. Oh, la fille tout attachée! Ben, c'est ça que j'ai dit, la fille tout attachée! Puis là, j'étais une petite soirée intime avec la fille tout attachée. Là. Puis, ben, elle devait revenir rapidement à la maison, puisqu'elle elle a un petit bambino là, depuis quelques mois. Et puis, mais elle avait son spectacle, et puis j'étais devant des visages refaits. Oh! Par la chirurgie. Oh! Là, je me disais, c'est tout élastique, ça. Si ça retombe en même temps, pouf! Ça va faire comme un gros trou. Tu imagines un gros trou? Pouf! J'avais peur. Il y a aussi des visages, comme dans Batman, à deux faces. Tu dis bonjour, puis le lendemain, pouf! Au travail, c'est comme ça, des visages à deux faces. Oh, t'es sympathique, un faux de Médor, c'est un escrosse! Qui? Un escrosse! Un escrosse! Un escrosse! Un pas gentil! Oh! Un débile! Oh! Presque mental! Oh! Il faut l'exclure! Oh! Dans le château symbolique de la francophonie! Alors le visage, on l'exclut? Non, mais à deux faces, oui! Là, on ne sait pas si c'est un visage à deux faces dans ce mot-là. Là. Oui, ben il y a un visage avec un S. Donc, c'est à deux faces. Oui, mais si on dit des visages heureux. Mais on sait que les visages heureux n'ont pas d'histoire. Oh. Ils ont l'espoir de vivre à deux. Oh. Là, je me suis comme enfargé. Je me suis comme donné une culbute avec ma salive. Oh! C'est rare, là. Mais c'est toujours rare à Errance canadienne. Il y a des phénomènes uniquement radiophoniques le vendredi de minuit à 2h. Ça s'articule simplement à ce moment-là dans cette agglomération, dans cette, comment t'appelles ça, microcosme! Oh! Microcosme! Oh! Micro! La troupe comporte combien de personnes? Bah, la troupe n'existe pas en tant que troupe permanente. Elle peut s'organiser. Elle peut s'organiser. La troupe comprend tous les gens qui travaillent avec mon père depuis longtemps, parce que c'est quelqu'un qui est assez fidèle aux gens avec qui il travaille. Et il y a toujours des personnes nouvelles, mais enfin, la base, si tu veux, lumière, costume, décor, et bon, certains comédiens, c'est des gens qui travaillent avec lui depuis 20-30 ans, quoi. Donc, et puis aussi des jeunes comme Antonin Morel, comme moi, mais qui faisons partie de la troupe depuis très longtemps, donc on se connaît tous très bien. Et dans le cas du Vian, bon, on était 5 sur scène, plus 6 musiciens. C'est des musiciens qu'on a rencontrés là-bas dans le sud, à Béziers. Donc on n'a pris que des musiciens de là-bas, et on a fait ça comme une sorte un peu de création collective, c'est-à-dire on a... Voilà, on a réuni l'équipe et chacun a apporté aussi ses idées de numéros, de chansons. Parce que... Toi aussi ? Bah oui, moi, bon, ça fait longtemps maintenant qu'avec mon père, je participe aussi beaucoup à la création, c'est-à-dire à l'écriture, aussi à la mise en scène. Bon, on est tous très polyvalents, hein, et donc... Mais pourquoi Boris Vian ? On écoutait quoi chez toi ? Boris Vian, Gainsbourg, Brel ? Bah oui. Non, mais les classiques, c'est ça ? Bah ouais, forcément. Moi, Boris Vian, je l'écoute depuis que je suis enfant, quoi. J'adore le disque du Déserteur. Hein. Depuis que j'ai 12 ans, j'écoutais en boucle. Et, avec lui, lui quand il chante, c'est, okay, c'est merveilleux, quoi. Et puis, c'est vraiment l'univers de mon père. C'est-à-dire, lui, c'est un fou de jazz. Il est resté bloqué aux années 60-70 musicalement, quoi. Mm-hmm. Donc, on a toujours écouté ça. Et donc voilà, donc c'est tellement riche en plus les chansons de Boris Vian, c'est vrai que ça nous correspond bien parce qu'il y a à la fois la fantaisie, il y a à la fois la poésie, il y a le côté un peu révolutionnaire, enfin il y a plein de choses, c'est très riche quoi. Oui. Donc ça, voilà, on s'est réunis autour de cet auteur et puis on a proposé des numéros, on a décidé de faire ça un peu comme... comme au tabou, c'est-à-dire dans une forme de music-hall sans forcément de fil conducteur. Débridé, très débridé. Un peu débridé, hein, un peu surréaliste, avec comme a fait le Circus à l'origine. Voilà, c'est... un petit peu. Et puis Jérôme qui fait une sorte de conteur et qui fait le lien un petit peu entre tout ça. Et puis des personnages de l'époque, comme Sartre, Simone de Beauvoir... Voilà, mais c'était très amusant à faire parce que, en tout cas, moi, ça m'a permis, contrairement à certains spectacles où on a un rôle avec un fil conducteur très précis et donc un emploi précis, bah là, je pouvais passer d'un répertoire comme Le Déserteur, Les Joyeux Bouchers, qui est une super chanson. Mais c'est ce que tu as chanté à France Inter. Le Déserteur, oui. Ouais, ouais. Les Joyeux Bouchers, qui est une chanson vraiment très forte, ou des trucs de Vamp, de Magali Noël, comme Fais-moi mal Johnny... une version française de Fever. Est-ce que tu pouvais mettre un peu tes cours de danse sur scène durant ce spectacle-là ou... Bah, si tu veux, les cours de danse, pour moi, c'est... j'en ai pris plein, mais c'est surtout les spectacles qui m'ont appris, en fait, beaucoup. Hey! Fire! Château symbolique de la francophonie. Vous parlez de... Ben, je parle du mot visage. Oh, le mot visage, oui. On est décalé de chaque bloc musical. Alors oui, le mot visage fait partie du grand château symbolique de la francophonie. Bravo, bravo, OK, monsieur. Êtes-vous certain? Ben oui, on a eu une discussion pendant la pause musicale. Ben, pas vraiment une pause, mais la musicalité. Non, on écoutait. Alors, avons-nous eu un consensus? Il y a beaucoup de corps. Il y a beaucoup de silence. Mais oui, dans le silence, il y a la vérité. Alors, la vérité? Ben, c'est que le mot visage fait partie du château symbolique de la francophonie. Oh, merci. Merci à toi, grand créateur de l'émission Errance Rénaldienne. Toi qui, chaque semaine, nous amènes tant d'improvisations et de mystères. Monsieur, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous dirigera vers des sentiers et des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Pendant que je disais ce fil Ariane, je me lèche la babine. Donc, ça fait un son. Ça nous a donné un son plus que... Êtes-vous certain? Oui, plus qu'incertain. Oui, un son certain, plus qu'incertain. Vous avez raison. Alors donc, ce fil Ariane narratif pour cette trame... d'improvisation, c'est « Les jumelles ne mêlent que de longues jambes sur autant de caresses que je laisse tomber. » Et lorsque je l'ai placé sur Facebook il y a 3 semaines, il n'y a eu aucun commentaire. Alors, je me suis dit « C'est quelque chose de très audacieux. » Alors, lorsqu'il y a de l'audace, il y a la présence de Rénal Gagné. Rénal Gagné? Rénal Gagné. Rénal Gagné, il est gay? Allô? Oui. Non, vous vouliez dire quoi? Rénal Gagné, oui. Rénal Gagné égale audace. Oh, vous êtes godassieux? Je suis godassieux. J'adore mettre mes godasses lorsque je marche sur les chantiers du Vieux-Québec où les rues ont l'air d'avoir l'accent. Où mes semelles ont les pieds secs et ma bouche sans l'hiver. Oh! Donc, les jumelles ne mêlent que de longues jambes sur autant de caresses que je laisse tomber à leurs pieds. Pieds! Je ne ferai pas de phrase, car l'emphase je mettrai soudainement à mon entendement qui est beaucoup trop lent que ma bouche. Bouche! C'est le travail. Oui, c'est le travail. Ça travaille. On est à 5 cm. Bouche! Bouche! 4 cm. Bouche! 6 cm. Bouche! Que je ne déboucherai pas ce soir avant de dire adieu à toutes mes consoeurs qui, présentement, cherchent le pasteur qui... qui quoi? Ou des reflux gastriques cherchent à augmenter leur tic par des... C'est bon, toi? Que c'est toi, ça? Tic! Que j'astique régulièrement avec de l'eau de Javel, en écoutant le boléro de l'eau de Javel, en cherchant si elle ne me regarde pas lorsque j'examine. C'est bon. Et c'est tout ça. Comment? Et c'est tout ce vêtement-là. Qui? C'est tout ce vêtement-là. Sauve ce vêtement-là! Oh! J'arrêterai ici! Oh! Avant de trouver factice! De ces élucubrations qui ne cherchent que de polir l'image de n'impoli. Qu'à trop polir, nous reluisons. Qu'à trouver quelques polissons ce soir, il n'y en a qu'un. Oh. Le vrai. L'honorable. L'honorable. Goldorak! Oh non, non, non. Non, c'est vrai. C'est l'honorable, oui. Charlie Joplin. Oh, tu veux dire Janis Joplin? Ouais, oui, c'est John. Oui, oh, c'est John. Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour, je ne t'aimerai plus. Un jour, je sourirai moins. Jusqu'au jour, je ne sourirai plus. Un jour, je parlerai moins. Jusqu'au jour, je ne parlerai plus. Un jour, je courirai moins. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier, on se regardait. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Résident de la République. Couleur rose a des reflets bleus. Résident de la République. Les atomes, fais ce que tu veux. Je te parlerai moins. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour, je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier, on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Résident de la République. Couleur rose a des reflets bleus. Résident de la République. Chérie des atomes, fais ce que tu veux. Dans chaque spectacle, on essaye d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, en fonction des spectacles, parfois, il fallait faire un peu de danse classique, un peu de flamenco, un peu de jazz, un peu de claquette. Donc à chaque fois, je cible aussi en fonction de ce que je prépare. Et donc le Vian, c'était très musical. Voilà. Non, mais c'est merveilleux parce que on voit que vous avez plein de pièces qui sont arrêtées et qui, en tout temps, pourraient recommencer n'importe quand. Ah ben oui, on a une sorte de répertoire, même les opérettes, les spectacles qui sont là, qu'on a gardés et qu'on reprend régulièrement. Parce qu'il y en a, vous voulez les reprendre ou si on vous demande de les reprendre? Ça dépend, parfois on nous demande, parfois c'est nous qui voulons. Par exemple, on a monté la Péricole d'Offenbach, qu'on a repris, qu'on a énormément joué, qu'on peut encore jouer si on a envie. Alors on ça, c'était moi de ça se démode pas où vous pouvez le réarranger. Ah bah ça, une opérette d'Offenbach, ah ouais, c'est, en France, oui, oui. Non, c'est vraiment le truc. Boris Vian, c'est pareil, c'est indémodable. Si tu veux, on ne suit pas trop la mode, nous. Donc, non, on est dans des trucs très classiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a monté Irma la Douce. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'on a repris aussi 2 années de suite, qu'on pourrait très bien reprendre aujourd'hui. Et quand vous dites 2 ans, c'est combien de représentations? Oh, bah, ça peut aller de 100 à 300, 400 représentations, parfois Boris Vian, plus. Combien Le Vian, on a dû en faire 150 et on continue à tourner la saison prochaine. Donc voilà, on a joué à l'île de la Réunion, ouais, là on va jouer à Bruxelles. C'est quand même bien l'île de la Réunion pour jouer. Là. Ah ouais, c'est cool, ouais. Ouais, ouais. Et on sent que ton père est un peu amer de s'être retiré obligatoirement à 65 ans. On le sent frustré de ça. Il aurait si tu veux, c'est toujours difficile quand on est habitué à avoir un outil de travail formidable, ouais, et une super équipe. De se retrouver à repartir un peu à zéro, entre guillemets, même si c'est pas à zéro, bien sûr, mais c'est une autre façon de travailler. En même temps, ça a plein de choses positives aussi. Et, il fait beaucoup de mise en scène à l'étranger. Il a monté, par exemple, en Espagne, au Festival de Mérida, l'année dernière, il a monté Lysistrata, avec des travestis en espagnol. Il maîtrise le français, l'espagnol, l'anglais. Ouais. Il travaille beaucoup en Allemagne aussi. Il a monté Les Oiseaux d'Aristophane chez Castorf, à Berlin. Il a monté un Kurt Weill Happy End à Hambourg. Là, il est en train de faire une mise en scène en ce moment à Vienne. Donc, c'est de toute façon, ce métier n'est pas un métier de stabilité. Donc, il faut toujours s'adapter aux moyens qui nous sont impartis. Et c'est positif en général, parce que justement, ça permet de chercher d'autres choses. Donc, d'aller plus loin, surtout, hein, d'aller plus loin, de réinventer, de changer. Bien sûr. Et toi, j'ai lu que tu avais préparé un album, que tu avais fait. Ouais, j'ai mon projet solo qui est en train de se terminer, là. C'est mon album. Que je suis en train de finir de mixer. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. L'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi des scélérats. À qui sourit la vie? Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire rainir les chevaux. Plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez, usurier. Usez vos souliers. Soyez ma muse. Et que mes durent les moments doux. Durent les moments doux. Et que mes doux. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. se pose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, Joséphine. Osez, Joséphine. Osez. Osez. Plus rien ne ressemble à la nuit. Plus rien ne ressemble à la nuit. Osez. Osez. Osez, Joséphine. Osez. Osez, Joséphine. Joséphine. Christophe, on l'appelle Joséphine. Osez. Osez. Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. C'est vrai. Christophe. Rien ne justifie. Rien ne justifie la fin, Christophe. Thank you. be available for you to see. When I'm about to go, and then you know, for me to stay here, I got to be me. You never be in the doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. You count the good days I'm gone, forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. You got to get it straight, how could I ever be late, when you're my man taking up my time. Ah, could you ever allow? I guess I wonder how I could get you out of pocket for fun. Enregistré. Ouais, bah si tu veux, je te le passerai. J'ai un, une version, oui. Mais c'est très in progress, comme on oui, dit. Oui, oui, oui. Hein, c'est pas terminé vraiment, mais. On peut diffuser ça à travers cet entretien-là, ça sera. Bien sûr, okay. Avec plaisir. J'ai vu ton visage qui changeait. Ok. Non, bien sûr, bien sûr. Et donc ça, c'est vraiment parce que bon, moi, je suis aussi musicienne quand même depuis toujours, et j'ai beaucoup travaillé avec des groupes. Lesquels? J'ai fait plein de choses. Un peu punk aussi, je crois. Elle t'a fait. Ouais, et justement, en tant qu'interprète et comédienne, j'ai aussi abordé des répertoires très différents qui vont de la chanson réaliste au jazz, au classique. Et mes groupes, c'était plutôt rock, pop. Qui des noms? Rhythm and blues. Des noms. Voilà, des noms de quoi? De groupes, de chanteurs, de chanteuses. Tu sais, ça va de Tom Waits à Billie Holiday, en passant par PG Harvey. Enfin, j'adore tellement de choses différentes. Nick Cave. Ah ouais, des grosses pointures. Et donc voilà, donc j'ai envie de faire de la musique depuis très longtemps. Et comme j'écris, mes chansons sont pas encore abouties, ou en tout cas suffisamment. Par rapport à mes exigences, à ton goût, c'est vrai, quand on est habitué à chanter un répertoire de qualité, entre guillemets, on se met la barre assez très haut, haute, forcément. Ouais. Donc j'ai décidé d'enregistrer des covers, de faire des reprises de choses qui m'ont influencé, qui m'ont marqué dans mon parcours, en et anglais. De les faire à ma façon. Beaucoup en anglais, la plupart en anglais. Un peu en espagnol, un peu en français aussi. Ce que je vais avoir, c'est anglais, français, espagnol. Ouais. Mais surtout en anglais. Surtout en anglais, okay. Ouais. Et donc, c'est vraiment un mix. Mais ça, c'est parce que t'es pas encore rendu... t'as pas encore vraiment trouvé le lien ou le chemin pour faire ton propre répertoire, tes propres chansons. Tu veux vérifier, tu veux... C'est pas une question de vérifier, si tu veux. C'est plutôt une question de retrouver vraiment le son... que j'ai envie de faire moi. Okay, parce que je me suis beaucoup mis au service de projets collectifs, mm-hmm. même en musique. J'adore ça. Et c'est pas que je me suis perdue, c'est que j'avais envie de revenir à des choses essentielles, tu vois. Et donc. Et l'essentiel pour toi, c'est le jazz? Pas vraiment. Ou c'est les chansons que tu connais? C'est les chansons. C'est vraiment les chansons folk. C'est. Qui t'ont fait voyager, qui t'ont fait grandir, qui t'ont. Voilà, c'est des chansons qui pour moi sont indispensables, quoi. Et puis. Aussi par rapport à mon éducation musicale, c'était aussi un peu de me déséduquer, si tu veux. C'est-à-dire reprendre ma guitare et jouer sur trois accords toute seule dans des petits bars. Désapprendre, comme disait Jacques Brel. Voilà. Désapprendre ton enfance. Donc je me suis rendu compte que c'était pas la même manière de chanter, que c'était beaucoup plus libre. Et j'avais envie de trouver un son qui m'appartienne à travers toutes ces influences que j'ai. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.